trois capitaines avec mes sabots d'ondaine, oh, oh, oh, avec mes sabots. Rencontrer trois capitaines avec mes sabots. Rencontrer trois capitaines avec mes sabots. Ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots d'ondaine, oh, oh, oh, avec mes sabots. Ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots. Ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots. Je ne suis pas si vilaine avec mes sabots d'ondaine, oh, oh, oh, avec mes sabots. Je ne suis pas si vilaine avec mes sabots. Je ne suis pas si vilaine avec mes sabots. Puisque le fils du roi m'aime avec mes sabots d'ondaine, oh, oh, oh, avec mes sabots. Puisque le fils du roi m'aime avec mes sabots. Puisque le fils du roi m'aime avec mes sabots. Il m'a donné pour étrenne avec mes sabots d'ondaine, oh, oh, oh, avec mes sabots. Il m'a donné pour étrenne avec mes sabots. Il m'a donné pour étrenne avec mes sabots. Un bouquet de marjolaine avec mes sabots d'ondaine, oh, oh, avec mes sabots. S'il fleurit, je serai reine avec mes sabots. S'il fleurit, je serai reine avec mes sabots. S'il y meurt, je perds ma peine avec mes sabots d'ondaine, oh, oh, oh, avec mes sabots.